feuillage de la des oiseaux. Oh oh, dans la nuit où l'étoile du Verseau. Sache qui s'en va entre nous, oh, oh. C'est la vie des étoiles aux Gémeaux, oh, oh. Qui voisine aux portes des cerises vers l'autre vie. L'air que je chante, il vient des étoiles. Il t'emmène dans l'univers sur un lapin blanc lunaire. L'air que je chante est gardien spatial. Il t'emmène en un éclair avec le vent des mystères. Dans le ciel, il voyage au côté des nuages dorés, des orages de fées. Éternel partenaire du repos, oh, oh. Sentinelle planétaire en héros, oh, oh. Sur un cheval qui vient te prendre pour l'infini. L'air qui t'emmène, il vient des étoiles. Il voyage comme un éclair sur un lapin blanc lunaire. L'air qui t'emmène est gardien spatial d'un naufrage des mystères de la main de l'univers. Dans le ciel, il voyage aux côtés des nuages dorés, des orages de fées.